après-midi à l'écoute des programmes de la première. Ça se poursuit tout de suite avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. La dictature du 4 août est une solution qui, d'une certaine manière, rappelle toute une série de solutions similaires. C'est-à-dire l'instauration de régimes dictatoriaux et la montée de mouvements fascistes. Pas de surprise à Athènes, donc. Le gouvernement Novas a vécu avant même d'avoir été investi. Monsieur Novas a été mis en minorité par 167 voix contre 131. Cette semaine, la Grèce. Les colonels qui ont jeté le masque exploitent à fond l'avantage de la surprise. Ils annoncent à la population qu'après le coucher du soleil, on tirera à vue sur les passants. Histoire et politique. Churchill, Staline. Churchill, dialogue. Staline qui dit, prenez la Grèce. C'est le seul texte de dialogue de chef du monde qui existe. Parce qu'il a été trouvé dans le bureau de Churchill après sa mort. Une plaque tournante de la démocratie. Cette semaine, il sera effectivement question de la Grèce, berceau de la démocratie. Nous y reviendrons au cours de la semaine. Théâtre d'une guerre civile au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de confrontations politiques pendant la guerre froide, avec notamment la prise de pouvoir des colonels, et enfin plus récemment de confrontations économiques suite à la crise des subprimes qui a impacté la Grèce très violemment, entre autres. La Grèce, au cœur du prochain documentaire d'Histoire vivante, choisi et présenté dorénavant par Frédéric Pfeiffer. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean. Alors, ce documentaire. Eh bien, c'est un documentaire en deux parties hein, que nous diffusons donc dimanche prochain sur RTS2. Il est titré « La Grèce, chronique d'un ravage ». Le but ici, c'est de tenter de comprendre comment la Grèce et derrière elle toute l'Europe en est arrivée aujourd'hui à être plongée dans une crise qui a profondément secoué tout l'édifice européen, avec en point d'orgue cette spectaculaire crise de la dette publique en Grèce, crise systémique, qui elle a explosé en 2008. Alors dans sa première partie, ce documentaire remonte à l'histoire de la Grèce des années 30, puis dans son implication dans la Deuxième Guerre mondiale, avec un prolongement sur les 10 ans qui suivent, là on est jusqu'en 1955 à peu près, avec les tout débuts de la guerre froide. Ça c'est pour la première partie, alors que dans le second film, eh bien, on se concentre plutôt sur les années de reconstruction et sur les années de crise qui vont de 1955 à 2008. Mais pourquoi donc, Dr Pfeiffer, ausculter la Grèce pour parler de l'Europe ? Disons que si le réalisateur Angelos Abazoglou a choisi de parler de son pays en particulier, c'est bien sûr c'est son pays, mais c'est aussi principalement parce que la Grèce a vécu et a subi tout ce que les autres pays européens ont vécu par la suite. C'est vrai que la liste est longue. Oui, alors je vous fais un peu plus bref que ce qui est énuméré dans le film, naturellement, mais on peut dire dictature fasciste en 36, occupation allemande, investissement massif américain dans l'économie locale, zone de tension qui débouche sur la guerre froide entre Américains et Soviétiques à la fin de la guerre en 1946-47, et puis guerre civile, chasse aux résistants et aux communistes. On sait que le pays est vraiment coupé en deux à ce niveau-là. Ensuite, exode rural, lutte intense aux extrêmes de l'échiquier politique, et enfin terrorisme et lutte armée. Donc c'est vraiment, je trouve passionnant de voir comment la Grèce a vécu toutes ces années douloureuses, avec de très belles archives à la clé. On comprend aussi pourquoi et comment ce pays est parti à la dérive, un pays qui a tout misé sur le tourisme, qui s'est retrouvé le dos au mur en 2008, forcé de faire appel à l'aide économique de l'Union européenne, on s'en rappelle, dans des conditions qui ont été extrêmement dures pour la population grecque. La Grèce, chronique d'un ravage, c'est un documentaire en deux parties. Nous recevrons le réalisateur Angelos Abazoglou en fin de semaine. Ce documentaire est à voir en direct sur RTS2 ce dimanche à 21h, dès aujourd'hui sur le site lesdoc.ch ou encore sur le play de la RTS sur votre ordinateur. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. Merci. La Première Guerre mondiale a consacré l'entrée des économies occidentales dans une économie dirigée. Dans une économie de guerre, et cela exige des hommes à poigne. En Grèce, un coup d'État met au pouvoir le général Metaxas. C'est un militaire qui va mater toute contestation. Les salaires baissent considérablement, les chiffres de l'économie grecque prospèrent à nouveau, les hommes souffrent. En économie capitaliste, il n'y a pas de miracle. La dictature du 4 août est une solution qui, d'une certaine manière, rappelle toute une série de solutions similaires, ou plus exactement d'évolutions politiques dans nombre de pays européens, c'est-à-dire l'instauration de régimes dictatoriaux et la montée de mouvements fascistes. Un des facteurs qui a précipité la prise du pouvoir dictatorial de Metaxas a été la révolte ouvrière avec des grèves durement réprimées, dont la plus importante, en mai 1936, à Thessalonique, a fait un grand nombre de morts parmi les ouvriers grévistes. Ces confrontations font peur à l'oligarchie grecque au pouvoir. Elle se sent menacée. Alors Metaxas lui promet une politique autoritaire pour les années à venir qui va éliminer toute contestation. Au contraire de ce qui se dit d'ailleurs aujourd'hui beaucoup et qui est faux, qui est avéré faux par toute consultation sérieuse d'archives, c'est le grand capital qui a choisi la solution fasciste. C'est particulièrement clair dans le cas allemand, où vous avez une conjonction des grands prêteurs internationaux, des grands créanciers internationaux, qui viennent se mettre d'accord avec le capital vernaculaire, avec le capital intérieur, national, pour dire... Vous allez gentiment nous payer la dette énorme que vous avez contractée, et pour ce faire, vous allez être obligé de mettre votre population au régime sec. Ça veut dire baisse des salaires réels de 50% de plus, parce que ça aboutit à ça. Ça veut dire acceptation par la petite paysannerie du blocage de son pouvoir d'achat, de la baisse de son pouvoir d'achat. Ça veut dire acceptation par la petite industrie de la baisse de ses profits, voire de la disparition de ses profits, qui prend un caractère caricatural en Allemagne, où, par exemple, à partir des lois de 1933-1934, le petit capital est obligé de fermer boutique pour s'embaucher dans la grande industrie qui va préparer la guerre. Et de 1931... à 1939, la question qui se pose n'est pas de savoir s'il y aura guerre, la question est de savoir quand il y aura guerre. Un extrait de Grèce, chronique d'un ravage, le prochain documentaire d'Histoire vivante à voir dimanche soir sur RTS2. Histoire vivante, cette semaine, la Grèce. Aujourd'hui, entretien avec Robert Montoulis, réalisateur. Est-ce que je peux vous demander tout d'abord de vous présenter aux auditeurs de la Radio Suisse Romande, s'il vous plaît? Je m'appelle Roviros Mantoulis. Je suis né en Grèce, dans une ville du Nord, Komotini. Mes parents se retrouvaient, les deux réfugiés après la guerre de 1922 avec la Turquie, donc les Grecs de cette partie, plusieurs millions qui sont rentrés en Grèce, se trouvent là-bas. Je suis né, mais finalement je grandis à Athènes, je fais la guerre. L'occupation allemande à Athènes, et ensuite la guerre civile, et je me trouve en France invité à un festival, hier, juste avant Cannes, et il ouvre le festival le jour du coup d'état de colonel en Grèce. Le 23 avril 1967. Le journal d'interactualité. En Grèce, la prise du pouvoir par les militaires ne semble pas avoir suscité d'importantes réactions populaires. L'armée a la situation bien en main et le calme semble régner à Athènes et à Salonique. Je ne veux plus rentrer en Grèce, donc je suis obligé de rester en dehors de la Grèce. Donc d'abord en Suisse, je passais quelques temps à Genève, parce qu'on avait pas mal d'amis là-bas. C'est la télévision française qui voyait mon film qui sort entre-temps. Et la télévision française, le RTF, m'invite de venir de Genève à Paris pour commençait une nouvelle émission, un magazine qui s'appelait L'Affiche du Monde, produit par deux journalistes, un qui venait du Monde, l'autre de François à l'époque. J'ai accepté de le faire parce que j'avais jamais fait de la télé. Et ça m'a donné la possibilité, d'une part, de connaître un nouveau média, et d'autre part, de voyager. Et j'ai fait des films dans le monde entier, presque dans tous les continents. D'ailleurs, certains en coproduction avec la télévision suisse romande. Donc, je reste à Paris, je reste en France. Puis, 7 ans après, parce que ça a duré 7 ans, cette dictature de colonel, où j'étais interdit, bien entendu, parce qu'on m'avait pris le passeport et tout ça, j'étais obligé de demander un passeport de réfugié, et puis de la nationalité française. Et finalement, je rentre en Grèce, invité par le Premier ministre de l'époque pour diriger la télé, la télévision d'État, enfin, il n'y avait pas d'autre d'ailleurs. Donc je fais ça, j'ai démissionné, et puis je suis revenu ici, à Paris, où ma famille m'attendait. Alors c'est curieux, parce que la présentation comme ça de votre vie offre 1000 pistes qu'on a envie d'entrouvrir. La première qui m'est venue, pour repartir ailleurs, au festival, est-ce que l'annonce du coup d'État vous surprend ? Ce n'était pas une surprise pour moi. Il y a eu une première tentative de coup d'État. 2 ou 3 ans plus tôt, en 65, je crois, pendant la guerre, pendant l'occupation, les agents britanniques en Grèce, avec les maquis grecs, et ils avaient dynamité un grand pont, qui s'appelle Gorgopotamos, c'est le mot grec, et puis, comme c'était surtout le maquisard de gauche qui avait participé, la gauche, dans une sorte de réveil après un état policier qui a existé pas mal de temps, cette gauche-là fête un anniversaire de cet acte, si vous voulez, qui était national parce que tout le monde avait participé, mais c'était la gauche qui l'a fêté. À l'endroit même, si vous voulez. Et là, tout d'un coup, les gens marchent sur des mines et il y a plusieurs morts. Mines de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas. Ah. Un an plus tard, les journaux, surtout deux journaux grecs, publient un document, une sorte de télégramme qui venait de l'ambassade américaine en Grèce, qui parlait d'un coup de la CIA. Ils avaient mis des mines nouvelles pour que les gens marchent sur les mines, pour qu'il y ait beaucoup de morts, et pour que la gauche fasse une sorte de soulèvement, ce qui donnerait le prétexte au colonel qui préparait déjà un coup d'État de prendre le pouvoir. Le billard à trois mondes. Voilà. Alors ça, c'était... Je viens de découvrir ça. Et tout le monde disait, finalement, non, c'était des anciennes mines, mais moi j'avais un copain qui était journaliste. Quand il était dans l'armée, il était responsable de minage, enfin, comment on appelle ça, de mettre des mines modernes. Il était là, et il a trouvé des morceaux, et il m'a dit, c'était pas des anciennes mines, c'était de nouvelles, c'est comme les mines que je mettais moi dans l'armée. Tout le monde suspectait, on pensait que c'était une provocation, mais pas à ce point-là, parce que là, je trouve le document qui dit qu'ils ont raté l'occasion de faire le coup d'État à cette époque-là. C'est l'heure du thé à la Maison Blanche. Son sous-sol abrite un paragouvernement ultra-secret qui dirige les opérations clandestines de la CIA à l'étranger. Il a à sa tête le conseiller du président pour la sécurité nationale. En 1967, sous Johnson, il s'appelait Comité 303, d'après le numéro de la pièce où il se réunissait. Il était présidé alors par Walter Rostow. Et sous Nixon, par Henry Kissinger. C'est dans ce sous-sol que le coup d'état de colonel Grec a reçu son feu vert. 7 ans plus tard, la chute de Nixon, ébranlée par le scandale du Watergate, entraînera la chute de colonel en Grèce. État des lieux de la crise gouvernementale grecque, août 1965. Pas de surprise à Athènes, donc, Bernadette Marshall. Le gouvernement Novas a vécu avant même d'avoir été investi. Après 8 heures de débat, les députés sont finalement passés au vote. Monsieur Novas a été mis en minorité par 167 voix contre 131. Il était 3 heures du matin quand ce résultat a été annoncé. Le débat qui avait précédé le vote s'est déroulé dans une atmosphère plus tumultueuse encore que lors des 2 soirées précédentes. Claquements de pupitres, sonneries du président couvraient la voix des orateurs. À l'extérieur du Parlement, l'agitation était plus grande encore. Des manifestants, nettement plus nombreux que la veille, hurlaient des slogans. Ces manifestants eurent d'ailleurs droit à un étrange spectacle. Vers 9 heures du soir, on vit M. Novas quitter la chambre. Où allait le Premier ministre pressenti ? Tout simplement voir le roi pour lui annoncer sa démission avant même le verdict des députés. Virtuellement, le gouvernement Novas était donc déjà mort. Dans les couloirs du Parlement, on préparait la succession. Deuxième moment spectaculaire de la séance, tandis que commence l'appel des députés pour le vote nominal, M. Papandréou fait une entrée théâtrale, le temps d'avancer vers la tribune et de prononcer à mi-voix un nom accompagné de gestes de la main et de la tête. M. Papandréou s'en retourne aussitôt, mais son apparition a déclenché un nouveau tumulte. On en vient aux mains et, devant les micros qui ne fonctionnent plus, le chef de la droite lance avec mépris cette phrase « Qui est donc ce monsieur qui est entré et sorti ?» Les huissiers interviennent pour séparer les candidats au pugilat, puis les formalités du vote se poursuivent dans un calme tout relatif. À 3 heures du matin, le résultat est annoncé. Les partisans de M. Papandréou ont droit aux ovations de la foule, les ministres de M. Novas à des huées et à des sifflements. Thank you. Histoire vivante, cette semaine, la Grèce. Suite de l'entretien avec Robert Mantoulis, réalisateur. Robert Mantoulis, réalisateur, au micro d'Histoire vivante en 2010. Venons sur cette période initiale, même si c'est en quelques mots, mais il est important de façon à ce que tout le monde ait un peu les enjeux sur cette période de guerre civile en Grèce, qui est à mon avis un épisode dans un coin mort du rétroviseur pour une grande partie des gens. La Grèce a connu une période de guerre civile. À quel moment? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. La guerre civile, même les historiens grecs n'en parlent, ne connaissent pas très bien le vrai raison. C'est-à-dire, nous, les cinéastes, souvent, du fait d'avoir fait beaucoup de recherches et de creuser partout, et d'avoir des témoignages et tout ça, commence à avoir une meilleure idée de l'histoire parfois. Paradoxe. Vous êtes en avance. Vous êtes en avance par rapport aux historiens. Oui, ça m'est arrivé souvent. Là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai même écrit un livre. En faisant ce livre, je découvre une chose. Il y a la guerre mondiale. La Grèce se trouve, avant qu'elle soit attaquée par l'armée de Mussolini à travers l'Albanie, n'est-ce pas? Mussolini avait occupé l'Albanie. Mais comme la Grèce, à l'époque, avait, si vous voulez, comme en Espagne, un État, c'était un régime fasciste, hein, une dictature de Metaxas, général Metaxas, qui était devenu un homme politique, et par la suite un dictateur, avec la complicité d'un roi Georges de l'époque. Hitler occupait pas mal de choses dans le monde, et Mussolini n'avait pas grand-chose à occuper, donc il occupe d'abord l'Albanie, et puis il voudrait occuper la Grèce sans qu'il le dise à Hitler, parce qu'il y a eu une rencontre avec Hitler. Hitler était complètement surpris du fait que Mussolini ne lui avait pas annoncé qu'il avait l'intention d'occuper ou d'envahir le pays, etc. Enfin, Metaxas, qui était un ami de Hitler, parce que c'était déjà une dictature nazie, si vous voulez, en même temps très pro-allemand, et Hitler avait promis à Metaxas qu'il jamais il allait envahir la Grèce si la Grèce n'invitait pas des troupes britanniques, etc. Et Metaxas a toujours refusé que des troupes britanniques entrent en Grèce. Ce que Churchill voulait faire, la Grèce occupée par les Allemands, c'était très dangereux pour les Britanniques, leur flotte dans la Méditerranée, parce que la Crète et les îles, ils sont très près de Suez, si vous voulez, et de l'Égypte. Donc stratégiquement, stratégiquement, endroit, oui, il fallait absolument pas. Mais c'est pas très clair pourquoi Churchill a voulu que ses troupes entrent en Grèce. Metaxas a dit non toujours, et finalement Metaxas est mort. Il y a des historiens qui disent qu'il a été assassiné par les Britanniques, parce que le lendemain, l'armée britannique arrive en Grèce. Metaxas et le chef des armées, qui était le maréchal plus tard, Papagos, moi que je vous parle, j'étais le secrétaire de ce général Papagos quand il était premier ministre. Je faisais mon service militaire et on m'envoyait chez lui. Donc, je connais un peu à l'intérieur les choses et comment il haïssait les Anglais, parce que il voulait pas que les Anglais arrivent pour préserver la neutralité du pays. Objectif neutralité. Objectif neutralité par rapport aux Allemands. Objectifs. Ils étaient attaqués par les Italiens, ils ont battu les Italiens. Papagos, il était le chef de l'armée, et il a repoussé les Italiens et il allait les jeter dans la mer au moment où les Allemands arrivent en Grèce, car il y a eu déjà les Anglais que Papagos, avec Metaxas, avait refusé. Ce qui se passe, c'est que finalement, la droite royaliste se trouve soit en Égypte, avec le départ des Anglais, soit avec les Allemands, parce qu'ils sont pro-allemands. gens péténistes, si vous voulez. Et puis, il y a la gauche communiste, qui est un petit, une petite partie du monde politique. Et puis, il y a ce qui est entre la droite et la gauche, et ce qu'on appelle le centre libéral, qui était, si vous voulez, en Grèce, la majorité presque avant la dictature, c'était les vénizélistes, le grand homme politique Venizelos, et qui était le grand libéral, souvent anti-royaliste, etc. Et cette partie politique du centre... Cette majorité, je parle de politiciens, enfin des gens qui, tous les gens politiques, refusent de faire la résistance. Ils veulent pas collaborer avec les Anglais qui étaient très royalistes, sont contre un roi qui avait aidé la dictature de Metaxas, et ils veulent pas collaborer avec les communistes, qui étaient la gauche de l'époque. Et donc il y a, si vous voulez, un énorme trou politique qui est vite rempli par la gauche. Et la gauche qui fait la résistance, presque la seule, cette gauche-là devrait être peut-être 70% de la population. Si, à l'issue de la guerre, il y aurait des élections, il est certain que le Parti communiste et la gauche pro-soviétique, pro-communiste, auraient pris le pouvoir par les élections. Et il est certain qu'à ce moment-là, les soviétiques entreraient en Grèce, la flotte dans les ports grecs et tout ça. Et ça, c'était impensable pour les Anglais. Maintenant, on a trouvé à Londres, dans les archives de Churchill, Churchill-Staline, Churchill dialogue. Staline qui dit « Prenez la Grèce !» Je le traduis et c'est dans mon livre. C'est le seul texte de dialogue de chef, à ce moment, de grand chef, si vous voulez, du monde, qui existe. Parce que tout le reste n'a jamais été publié. Et ça, par hasard, on l'a trouvé dans les archives de Londres, parce qu'il a été trouvé dans le bureau de Churchill après sa mort. Et vous avez là ce qui manque dans les pages consacrées à cette rencontre de Moscou, dans le bouquin de Churchill, les mémoires de Churchill. C'est un document de combien de pages? 40. 40, oui. Ah oui, c'est énorme. Énorme. Et vous avez, et c'est très drôle, parce qu'il y a des anecdotes, on rit pas mal, etc. Enfin, il y a des blagues. Et quelle pièce de théâtre extraordinaire. Pièce de théâtre extraordinaire. Et moi, c'est vrai, c'est un truc réel. J'ai la date et le numéro des archives et tout. C'est extraordinaire. Et personne en France ne l'a. Il est uniquement publié en Grèce, ce document. Demain, dans la suite de cette évocation, nous retrouverons, entre autres, le réalisateur Robert Mandoulis, rencontré pour Histoire vivante en 2010. Cette semaine est réalisée par Thierry Châtel. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.